Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur le web à l'adresse cfou.ca et sur iPhone en téléchargeant l'application C'est Fou Live. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons d'Allemagne le groupe Psyphonetic, des Pays-Bas Profuna Ocean, Eureka d'Allemagne, la formation canadienne Monarch Trail, les Espagnols Herba d'Amélie, du Danemark Taylor's Universe, la formation américaine Discipline, de Suède, nous aurons Simon Says, Samsara Blues et Experiment d'Allemagne et en fin d'émission, le groupe italien Maad. Alors, on débute l'émission avec la formation allemande Psyphonetic. C'est une nouvelle formation avec un nouvel album qui vient tout juste de paraître. Alors, on va aller tout de suite à la pièce Club Night et c'est tiré de l'album Die Erste Störung. Alors, voici Psyphonetic. We'll be right back. This was meant to be the further post-ideological generation, right? This was meant to be the generation that never thought of anything bigger than our Facebook profiles or TV screens. I think now that claim is quite ridiculous. Alors, c'était la nouvelle formation allemande Psyphonétique avec la pièce Club Night, et c'est extrait de leur premier album qui vient de paraître, Die Erste Störung. On va enchaîner avec une formation néerlandaise du nom de Profuna Ocean. Eux aussi ont un seul album qui est paru cependant en 2009, et extrait de cet album-là, nous allons entendre la pièce dont l'acronyme est SCITS. Alors voici Profuna Ocean des Pays-Bas. Thank you. Alors, venez d'entendre la formation néerlandaise Profuna Ocean, et c'est la pièce SCITS qui est extraite de l'album Watching the Closing Sky, qui se trouve être le seul album que le groupe a produit en 2009. Formation très prometteuse, selon Rick Wakeman. Et depuis 2009, c'est quand même le silence. On attend avec impatience s'il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Alors, on enchaîne avec la formation allemande Eureka, qui en fait est une formation qui tourne autour du multi-instrumentaliste Frank Bossert. On leur connaît 4 albums parus entre 1997 et 2009. Et le dernier album s'intitule Shackleton's Voyage. Ça ressemble à être un album concept qui gravite autour d'un voyage en Arctique qui aurait mal tourné. Alors, on va entendre la pièce In Search of Relief. Alors, voici Eureka. We'll be right back. Alors, c'était la formation allemande Eureka avec la pièce In Search of Relief et c'est extrait de l'album Shackleton's Voyage qui est paru en 2009. Alors, on va conclure le premier bloc de l'émission avec une formation canadienne du nom de Monarch Trail, formation de Toronto, qui ont produit un album en 2014. L'album s'intitule Sky et la pièce qu'on va entendre, c'est East of 50. Alors, c'était la formation torontoise Monarch Trail avec la pièce East of 50 et c'est tiré de l'album paru en 2014, Sky. Après la pause, Herba D'Amelie et Taylor's Universe. Une formation espagnole du nom de Herba D'Amelie. C'est une formation qui opère depuis 2001, qui est origine de Barcelone. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait du sixième album, le tout récent album du nom de Interiors. Et la pièce s'intitule Viaje. Alors voici Herba D'Amelie d'Espagne. Thank you. c'était la formation espagnole d'Herba d'Amélie avec la pièce Viaje et c'est extrait de l'album Interiors qui vient tout juste de paraître. C'est le sixième album de la formation. Alors, on va conclure le deuxième bloc avec, avec un groupe danois, Taylor's Universe, qui viennent de faire sortir leur 14e album studio depuis 1994. Donc, ce sont de vieux routiers du prog. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Fur Louise. Alors, c'est tiré de From Scratch, Taylor's Universe. Thank you. Alors, c'était du Danemark, la formation Taylor's Universe avec la pièce Fur Louise. Et c'est extrait de l'album From Scratch qui est leur dernière parution. C'est sorti il y a quelques semaines. Alors, après la pause, Discipline débute ce troisième bloc avec une formation américaine qui a été active surtout dans les années 1990 avec deux albums. Le groupe s'appelle Discipline. C'est la formation de Matthew Parmenter qui, depuis 2005, a une carrière solo. Mais son passage dans le groupe Discipline a fait que les deux albums qui ont été produits ont été retenus par les critiques. Et il y a eu une éclipse pendant une quinzaine d'années pour produire un troisième album en 2011. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est extraite de l'album qui est paru en 1997. L'album s'intitule « Unfolded Like Staircase » et la pièce qu'on va entendre, c'est « Canto 4 ». ashes, but I see no end at all. The silent generations have been waiting. Thank you. Alors, c'était la formation américaine Discipline avec la pièce Canto 4. Et c'est extrait de l'album Unfolded Like Staircase. C'est paru en 1997, mais la pièce qu'on vient d'entendre a été remasterisée en 2004. On va enchaîner avec un groupe de Suède, Simon Says. Et c'est un groupe qui a été actif, de façon interrompue une fois en 1995 et le troisième album du groupe est paru 13 ans plus tard et c'est une pièce de cet album-là qu'on va entendre. L'album s'intitule Tardigrade et la pièce Suddenly the Rain. Alors voici Simon Says.

Alors, c'était Simon Says, une formation suédoise avec la pièce Suddenly the Rain, et cet extrait de l'album Tardigrade qui est paru en 2008. Après la pause, Samsara Blues Experiment et Mad. C'est récente. Ils ont trois albums de parus depuis 2010. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait du premier album qui s'intitule Long Distant Trip. Et la pièce, c'est For the Lost Souls. Alors, voici Samsara Blues Experiment. Thank you. Alors, c'était la formation allemande Samsara Blues Experiment avec la pièce For the Lost Souls, et c'est extrait de leur premier album paru en 2010, Long Distant Trip. Alors, on va conclure l'émission avec un groupe italien des années 70, la formation MAAD, M-A-A-D, qui ont enregistré un seul album, et la particularité, c'est la présence du musicien, saxophoniste Renato Rivolta du groupe Stormy Six. Stormy Six, qui a été une formation très, très prolifique dans les années 70, un peu côté jazz-fusion. Alors, on va entendre la pièce Gigondo 75, et c'est extrait de l'album éponyme MAAD.